Patrick Penaud et vous avez rendez-vous avec X. Bon week-end à l'écoute de France Inter. C'était un rescapé, Andrei Andreevitch Vlasov, un général soviétique qui a échappé à la Grande Purge de 1937. Une purge qui a décapité l'armée rouge et qui est directement responsable des revers subis par l'URSS lors de l'attaque allemande en 1941. Des revers qui se sont traduits par la mort de centaines de milliers de soldats soviétiques. On a vu la semaine dernière avec M. X comment les services secrets de Moscou et Berlin avaient travaillé à aboutir à cette épuration et à l'élimination physique du Bonaparte rouge, ce maréchal Tukhachevski, qui inquiétait tant Staline. N'y revenons pas. Alors, Vlasov, comme Tukhachevski, c'est un brillant officier, même s'il n'a pas les qualités de stratège de son aîné. Lui, c'est plutôt un homme d'action, un meneur d'hommes, un militaire audacieux et courageux. Un exemple lorsque commence la grande guerre patriotique, comme on l'appelle là-bas. Alors que les divisions soviétiques, commandées par des officiers incompétents ou brisés parce qu'ils ont subi des années de goulag, reculent devant les troupes nazies, Vlasov, lui, résiste et conduit même une contre-offensive victorieuse. Le général Vlasov devient donc un héros et Staline en personne le félicite. C'est pourtant le même homme qui, quelques mois plus tard, fait prisonnier par les Allemands, trahira, acceptera de pactiser avec les nazis et finira par créer une armée destinée à combattre ses anciens compagnons d'armes de l'armée rouge. Une aventure malheureuse et désespérée qui le conduira à la potence. Mais, et ce n'est pas la moindre des questions à propos de Vlasov, qui l'a livré, lui et ses soldats, à Staline? Monsieur X répond dans quelques instants. L'armée Vlasov, pendant la Seconde Guerre mondiale et même après, on regroupera sous cette appellation tous les citoyens soviétiques qui prendront les armes contre leur pays et combattront sous l'uniforme allemand. Mais c'est inexact, car Vlasov ne les commandait pas tous, loin de là. En fait, jusqu'en 1944, il ne commandera pas grand-chose. Mais nous allons voir ça dans le détail. Alors, mais qui étaient ces citoyens soviétiques, les recrutés par les nazis? Il faut d'abord savoir que lors de leur offensive éclair de 1941, les Allemands font des centaines de milliers de prisonniers, peut-être 2 millions. C'est dans ce formidable réservoir humain que l'armée du Troisième Reich va puiser pour former des bataillons de supplétifs regroupés en fonction de leurs origines ethniques. Il y aura par exemple des Cosaques, des Ukrainiens, des Géorgiens, etc. Des indigènes, comme disaient non sans mépris les nazis. Ouais, non sans mépris. Ouais, pour Hitler, tous ces types sont des sous-hommes. Et son grand rêve, c'est d'ailleurs de coloniser cet immense empire et d'exploiter ses habitants. Une sorte d'esclave. Ouais, Hitler ne s'en cache pas. Ce qui ne l'empêche pas d'enrôler ses sous-hommes. Bien sûr, il y en aura au moins 1 million. Mais dans un premier temps, on ne leur fait pas l'honneur de leur donner des armes. Ce sont des auxiliaires auxquels sont réservées les tâches subalternes derrière le front. Les corvées, quoi. Oui, mais peu à peu, la guerre évoluant, certains de ces supplétifs seront intégrés dans des divisions de la Wehrmacht et combattront effectivement. Une autre question, avant d'en venir au cas propre de Vlasov, là. Comment expliquer que tant de citoyens soviétiques ont accepté de s'enrôler aux côtés des Allemands? Oh, les raisons sont multiples. Un grand nombre d'entre eux s'engagent parce qu'ils meurent de faim dans les camps de prisonniers. Leur enrôlement leur garantit au moins de pouvoir manger. Ensuite, il y a les réactions nationalistes et anti-russes. Et puis d'autres accueillent les soldats allemands comme des libérateurs. Oui, parce qu'ils en ont assez de la dictature de Staline. Oui. Il y a eu les sévices, les camps, les famines, la collectivisation forcée. L'occupation allemande ne peut qu'améliorer leur sort. C'est en tout cas ce qu'ils pensent. Sans compter que l'antisémitisme nazi leur convient tout à fait. Dans les masses paysannes ukrainiennes, par exemple, le pouvoir bolchevique était assimilé au pouvoir juif. Alors, on allait donc pouvoir à nouveau se livrer à des pogroms. Oui, c'est la triste réalité. Et c'est pour toutes ces raisons que les armées de l'Est, comme disaient les Allemands, vont recruter des centaines de milliers de citoyens soviétiques, tant militaires que civils. Alors, venons-en au général Vlasov, puisque vous avez choisi de me raconter son histoire. Andrei Andreevitch est un petit-fils de serf. C'est une donnée importante dans la psychologie du personnage. Pourquoi ? Parce que c'est un homme simple. Un vrai russe qui n'a jamais oublié ses origines paysannes et possède une collection de jurons assez fleuris. Un bon vivant aussi, qui est capable d'ingurgiter des quantités invraisemblables de vodka. Physiquement, c'est un type maigre, très grand, pas très beau et qui porte des lunettes à monture de corne. Entre parenthèses, sa laideur ne l'empêchera pas de faire la conquête de nombreuses femmes. Ouais, une laideur séduisante. Voilà. Et sa carrière militaire, hein? Elle commence tout de suite après la Révolution d'octobre. Il est alors séminariste quand il est mobilisé dans l'armée rouge. Et il combat avec ardeur les armées blanches de Denikin et Wrangel. Il fait si bien qu'il monte de grade en grade et qu'il est admis dans une école militaire d'où il ressort chef de bataillon. Est-ce qu'il est communiste, lui? Vous voulez dire encarté? Oui. Il lui est difficile de ne pas être membre du parti s'il veut faire carrière. Mais il n'a pas besoin de se forcer. D'extraction populaire, il sait mieux que d'autres quelle est la misère du peuple russe. Et il adhère sans état d'âme. Parce qu'il croit que le communisme améliorera le sort du peuple. Sans aucun doute. Ouais. Et la suite de la carrière de ce militaire communiste, alors? La grande chance de sa vie, c'est d'être envoyé en Chine comme conseiller de Chiang Kai-shek. Pourquoi une chance? Parce qu'au même moment, en URSS, Staline a décidé d'épurer l'armée. Ah oui, c'est la purge dont on a parlé la semaine dernière, la purge de 37. C'est ça, nous l'avons évoqué la semaine passée. Rappelons quand même brièvement, 3 maréchaux sur 5, 14 généraux d'armée sur 16, 60 généraux de corps d'armée et 35 000 officiers de tout grade sont liquidés ou envoyés dans des camps. L'armée rouge est décapitée et le restera pendant des années. Ah oui, alors, Vlassov, lui, qui se trouve loin, passe à côté, c'est ça? Remarquez-le, c'est une double chance. D'une part, parce qu'il est épargné, et d'autre part, parce que ça lui permettra de grimper plus rapidement dans la hiérarchie. Il faut bien remplacer ceux à qui on a coupé la tête. Exactement. Donc, à son retour de Chine, il bénéficiera d'une rapide promotion. Tout de même, cette gigantesque épuration, ça ne lui a pas donné à réfléchir, parce qu'il aurait très bien pu lui-même en être victime. C'est certain. Mm-hmm. Non, ce qui pose surtout un problème au cadre survivant de l'armée rouge, c'est le pacte germano-soviétique. Ouais, un véritable retournement d'alliance. Alors même que pour les antifascistes du monde entier, l'URSS paraissait comme le porte-drapeau de la lutte contre le nazisme. Enfin, vous le savez bien, dans l'armée, on obéit d'abord. Oui, on réfléchit après, c'est bien ça. Ouais. C'était pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Dans la Russie de Staline, il n'était pas recommandé de trop critiquer les ordres du haut commandement. Or, justement, on propose à Vlassov de faire montre de ses qualités qui sont réelles. En 1940, on lui offre le commandement d'une division, la 99e, je crois. Une unité médiocre. À lui la charge d'en faire une division disciplinée et compétente. Et il y réussit? Oui. Je vous l'ai dit, Vlassov était incontestablement un meneur d'hommes. Des hommes qui n'hésitaient pas à houspiller et à traiter à la dure. Mais le résultat est là. Cette 99e division est désormais une troupe d'élite. Et lorsque les Allemands vont envahir l'URSS, non seulement elle résistera à l'assaut, mais elle ira de l'avant en reprenant une ville occupée par les nazis. Ouais, Vlassov se distingue, là. Ouais. C'est vrai qu'il tranche avec le reste des généraux qui n'ont pas su défendre leur position. Ils n'ont pas pu. Vous avez raison. La saignée de 1937 a laissé trop de traces. En tout cas, ce premier succès vaut à Vlassov un nouveau commandement. Staline lui confie une autre armée qui doit défendre à tout prix le secteur de Kiev. La mission est périlleuse. Les troupes soviétiques sont alors prises en tenaille et menacent de s'effondrer. Pourtant, encore une fois, Vlassov résiste sur le Dniepre. Et quand il s'avère que l'encerclement par les Allemands est inéluctable, il arrive à percer le mur des troupes nazies et sauve son armée. Il a donc quand même reculé. Il ne pouvait plus faire autrement. Mais est-ce que Staline, qui imposait, je crois, à ses généraux de tenir jusqu'au bout, ne risque pas de lui en tenir rigueur? C'est ce qu'il peut craindre, en effet. Et quand de retour à Moscou, Staline le convoque au Kremlin, il n'emmène pas large. Mais le maître du Kremlin ne semble pas lui tenir rigueur d'avoir ordonné la retraite et lui demande de défendre la capitale. La situation est en effet désespérée. Les panzers ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Moscou. Ils n'en trouveront pas, quand même. Non, grâce à Vlassov, qui mène une contre-offensive victorieuse et permet d'éloigner le danger. C'est à ce moment-là que le général devient un véritable héros et l'officier supérieur le plus populaire de l'armée rouge. Reçu à nouveau au Kremlin, il hérite d'une nouvelle mission impossible. Il doit prendre la tête de la 2e armée de choc et briser le blocus de Leningrad. Et Staline lui promet qu'il recevra l'aide de 3 autres armées. Mais ces armées ne viendront jamais. Et Vlassov se lance quand même seul à l'assaut? Oui, et le piège va se refermer sur lui. С грустью смотрю на вращение земли. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur la bataille de Kiev. Jean-Christophe Buisson vient de publier chez Lattès un roman intitulé « Il s'appelait Vlassov ». Un roman d'accord, mais excessivement bien documenté. Et voici comment Buisson évoque la retraite ukrainienne de Vlassov. Le 17 septembre, le général en chef Kirponos autorise le repli de toutes les forces chargées de défendre Kiev dans le but de reconstituer le front devant Moscou. Mais Vlassov n'est pas informé. Je cite le romancier. L'avancée ennemie était plus rapide que le recul de nos troupes. Les Allemands, en quelques heures, refermèrent les pinces de leur tenaille et commencèrent à nettoyer la ville au lance-flammes. Des dizaines de milliers de soldats périrent, parmi lesquels Kirponos. 600 000 autres rendirent les armes et furent jetés dans des wagons à bestiaux en direction de l'ouest. Certains n'étaient plus que des paquets de chair boursouflée tenant leurs entrailles entre les mains. Les imbéciles, Boudieni, Timoshenko et Khrouchtchev, eux, étaient parvenus à s'enfuir en avion. Ordre ou pas, c'était bel et bien foutu. Il faut avoir vu Vlassov admettre la mort dans l'âme, cette retraite. Ce n'était pas la perspective de la potence qui le rendait triste, mais d'avoir abandonné ses positions devant l'ennemi. Qu'il ait été le dernier à le faire n'allégeait pas son amertume. Vous avez parlé de piège, hein ? Un piège tendu intentionnellement, et par qui ? Intentionnellement, je ne crois pas. Mais le fait est que Staline ne lui enverra pas les renforts qu'il lui avait promis au Kremlin. Alors, est-ce que Staline aurait voulu se débarrasser de lui, comme il s'était débarrassé de Tukhachevski qui lui faisait de l'ombre ? Non, la situation était suffisamment désespérée pour les soviétiques. À cette époque, dans les premiers mois de 1942, le dictateur n'aurait pas pris le risque de se séparer d'un général qui était un exemple pour toute l'armée rouge. Alors, quelle explication ? L'incompétence, tout simplement. Oui, alors expliquez-moi ce qui s'est passé exactement. Vlassov, au début du mois de février, a lancé sa deuxième armée à l'intérieur du dispositif allemand qui bloque Leningrad. Et il parvient, en avançant sur des marais qui sont alors gelés, de créer une poche. Au milieu donc des positions allemandes. Oui. Et Vlassov, avant de progresser à nouveau, attend les renforts promis. Toutefois, malgré ses messages pressants, il ne voit rien venir. Alors il demande de pouvoir évacuer cette poche qui risque à tout moment d'être encerclée. Mais Staline refuse. Vlassov doit tenir. Le résultat est prévisible. Quand enfin Staline consent à l'évacuation de la poche, les marais sont dégelés. Oui, et c'est le piège là que vous évoquiez. Et les soldats épuisés, affamés, on assistera même à des cas de cannibalisme, sont massacrés les uns après les autres. 16 divisions au total sont anéanties. A noter que Vlassov, à qui le commandement suprême a offert d'envoyer un avion, refusera afin de rester jusqu'au bout au milieu de ses hommes. Et à bout de force, il finira par être fait prisonnier. Non sans avoir songé auparavant à mettre fin à ses jours. Alors c'est à partir de ce moment-là, particulièrement dramatique, qu'il va basculer ? Oui. Je ne veux pas trouver d'excuses à Vlassov, mais il faut bien comprendre son état d'esprit. Il vient d'être abandonné par Staline. Il a vu périr ses hommes. Il est plein d'amertume, car il a compris que cette guerre du côté soviétique était menée en dépit du bon sens. Je veux bien vous croire, mais enfin, est-ce que ça justifie pour autant qu'il renie sa patrie ? Ils choisissent aussi rapidement de se rallier à l'Allemagne hitlérienne. Non, je suis d'accord avec vous. Vlassov aurait pu se contenter, comme des milliers d'autres soldats soviétiques tombés entre les mains des Allemands, de rejoindre un camp de prisonniers et d'attendre la fin de la guerre. Remarquez, et ce n'est pas non plus une excuse, que ces prisonniers seront considérés comme des traîtres par Staline et la plupart, à leur libération, seront directement envoyés au goulag. Oui, parce qu'ils considéraient, enfin, Staline, que c'était une faute de s'être laissé prendre. Oui, pour Staline, oui, c'est épouvantable. Mais revenons à Vlassov, qui est quand même un cas à part. Quoi ? À cause de sa notoriété ? Bien évidemment. Et d'abord parce que pour les Allemands, la capture du plus prestigieux des généraux de l'armée rouge est une formidable aubaine. Pour leur propagande, c'est ça. En effet. Et dans le camp allemand, on comprend très vite le bénéfice qu'on peut en tirer. C'est pourquoi tout de suite, Andrei Vlassov est traité avec beaucoup d'égards. Est-ce qu'on espère déjà le retourner ? C'est vraisemblable. Et peu de jours après sa reddition, il est conduit dans un camp spécial de prisonniers dirigé par un certain Reinhard Gehlen. C'est le futur chef du service de renseignement de l'Allemagne fédérale. Oui, Gehlen, je vous en ai souvent parlé, est alors chargé du renseignement militaire opérationnel sur le front de l'Est. C'est un type très futé qui voit loin et va faire en sorte d'amadouer Vlassov. C'est-à-dire ? Gehlen, mais aussi les officiers qui l'entourent et qui font partie des militaires qui, plus tard, en 1944, essaieront d'assassiner Hitler, ont une grande idée. La création d'une armée russe anti-bolchevique. Une force qui pourrait efficacement lutter contre l'armée rouge de Staline et libérer la Russie. Ah oui, et si cette armée était commandée par un homme comme Vlassov ? Vous avez tout compris. Ouais. Par conséquent, peu à peu, Gehlen et ses officiers insinuent cette idée dans l'esprit de Vlassov. Vlassov qui attend à reprocher à Staline. Et on lui fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une véritable trahison, puisqu'il combattra aux côtés d'autres Russes pour libérer sa patrie du communisme. Oui, participer en même temps à la victoire d'Hitler, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Forcément. Mais ça n'est pas comme ça qu'on présente les choses à Vlassov. Pardonnez-moi, mais la ficelle me paraît un peu grosse. Vous avez certainement raison, mais Vlassov et les autres prisonniers soviétiques qui séjournent dans ce camp sont désemparés. Bien traités par les Allemands, ils éprouvent le sentiment d'être enfin libres et débarrassés de la tutelle du Parti communiste. Donc, ils sont tentés d'écouter les sirènes allemandes. Et le colonel Galen obtient ce qu'il veut. C'est-à-dire ? Un appel du général Vlassov. Un appel, mais un appel destiné à qui ? À ses anciens camarades de l'armée rouge. Un texte qui va être reproduit à des centaines de milliers d'exemplaires et qui va être parachuté au-dessus des positions soviétiques. Et, bon, brièvement, que dit ce texte ? Bon, écoutez, je ne le connais pas par cœur, mais en gros, dans ce tract, Vlassov dénonce Staline et sa politique qui est responsable de tous les malheurs du peuple russe. En conséquence, il appelle tous les Russes à s'opposer à la dictature communiste, à déserter et à renverser Staline. Et signé par Vlassov, c'est un texte qui peut être pris très au sérieux. Certainement. Et le général qui se trouve de fait complètement engagé auprès des Allemands n'a accepté de prendre cette responsabilité que parce qu'on lui a fait de nombreuses promesses. Alors ces promesses, c'est quoi ? La création d'une armée authentiquement russe et aussi la constitution d'un gouvernement russe en exil. Un gouvernement dont il serait le chef ? C'est bien sûr ce qu'il espère, mais en fait, il a été trompé. À Berlin, Hitler et les principaux chefs nazis n'ont nullement l'intention de satisfaire les ambitions de Vlassov. Pour quelle raison ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les nazis, ces Slaves ne sont que des sous-hommes. Au même titre que les Juifs. À peu près, oui. Ouais. Donc il n'est pas question de leur permettre de constituer un gouvernement et encore moins une armée. Pour Hitler, le destin de ces peuples qui sont regroupés au sein de l'Empire soviétique, c'est de devenir des colonies du Troisième Reich, ni plus ni moins. Oui. Alors en fait, Vlassov n'a servi qu'à satisfaire les objectifs de la propagande allemande. La propagande, oui. Et d'ailleurs, Vlassov va bientôt quitter son camp de prisonniers et être affecté à Berlin à un service de propagande de la Wehrmacht, où ont été regroupés plusieurs officiers supérieurs soviétiques également capturés. Et même des Russes blancs qui se sont spontanément mis au service de l'Allemagne. Et ici, il faut tout de suite faire une observation importante. Je vous écoute alors. Les officiers qui gravitaient autour de Galen, et parmi eux le comte von Stauffenberg, qui sera le principal auteur de l'attentat contre Hitler en 1944, n'ont pas menti à Vlassov. Ils ont vraiment cru à ce projet de libérer la Russie. Et ces gens qui n'étaient pas des nazis en concevront un grand ressentiment. Parce qu'ils auront le sentiment d'avoir été eux aussi manipulés par Hitler. Et d'avoir menti à Vlassov. Ils en tireront la conséquence un peu plus tard. Oui, au cours de cet attentat en 1944. Attentat raté. Hein. Oui. Et Galen lui-même, enfin Galen qui a été le principal artisan de la conversion du général soviétique. Galen était un opportuniste et un ambitieux. Il croyait à son projet, mais il était fidèle à Hitler et il le restera presque jusqu'au bout. Donc il s'est bien gardé de protester et de s'opposer au plus grand chef nazi, donc Kettel et Himmler. Alors, voilà le héros de l'armée rouge confiné dans des tâches de propagande. Oui. Galen, toujours lui, organise pour Vlassov des tournées dans les camps où sont regroupés les prisonniers soviétiques. Et le général est chargé de recruter. Oui, mais recruter pourquoi ? Puisque vous avez dit qu'on avait refusé à Vlassov la possibilité de créer une armée russe. C'est vrai, mais les nazis lui ont permis de constituer une sorte d'armée fictive. Des volontaires qui portent sur leur uniforme allemand un écusson qui porte le sigle de la ROA, c'est-à-dire l'armée de libération russe. Mais ces hommes, dont beaucoup ont été enrôlés par Vlassov en personne, ne sont pas des vrais combattants. Et ces auxiliaires, ces supplétifs là, dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Oui, car Hitler ne veut pas entendre parler d'une véritable armée russe. Et en cela, il a sans doute fait une erreur capitale. Parce que des troupes russes commandées par un Vlassov auraient certainement infligé de lourdes pertes à l'armée rouge. Mais heureusement pour nous, son racisme, une fois de plus, l'a aveuglé. Avec X. Quelle a été la portée de l'appel lancé par Vlassov en direction de ses anciens compagnons d'armes ? Dans la revue Historia, Dominique Venner affirme que de nombreuses désertions ont été enregistrées dans l'armée rouge après le parachutage de ces innombrables tracts. Et il cite un officier supérieur soviétique, le général Grigorenko, qui écrit ceci dans ses mémoires. Au début, je n'y ai pas cru. Ce ne pouvait être qu'une provocation allemande. Je ne connaissais pas personnellement Vlassov, mais j'avais beaucoup entendu parler de lui et pas seulement par les journaux. Je me rappelle l'époque, 1940, où tous les jours, l'Étoile Rouge, l'organe de l'armée, citait en exemple la 99e division d'infanterie. Et ce n'était pas des inventions ou des exagérations journalistiques, car les militaires allaient littéralement en foule chez Vlassov pour voir de leurs propres yeux ce qu'il faisait. Je ne pouvais admettre que cet homme fût un traître. Mais bientôt, il fallut me rendre à l'évidence. Vlassov était bien en train de constituer une armée russe de libération et y enrôlait des prisonniers de guerre avec l'aide des Allemands. Je n'arrivais pas à comprendre, car Vlassov n'était pas un arriviste, mais un officier de longue date, un homme célèbre, un communiste, un vrai russe, un fils de paysans pauvres. Et je souffrais en pensant au choix qu'il avait fait, puis j'appris que l'un de ses adjoints était Nerianine, cette nouvelle Matera. Nerianine était entré la même année que moi à l'Académie du Grand État-Major. Or cet homme, mon ami, mon modèle, était passé du côté de Vlassov. J'étais certain qu'il avait accompli ce pas par conviction personnelle, poussé par des motifs honnêtes et de son point de vue noble. Rien n'aurait pu me persuader du contraire. Pourquoi s'était-il mis au service des Allemands? Cela me dépassait et me fit réfléchir. Pour expliquer le refus de Hitler de constituer une véritable armée russe, n'est-il pas aussi la crainte chez lui qu'un jour cette armée ne se retourne contre le Troisième Reich? C'est en effet possible. Après tout, ces gens-là ont déjà trahi une fois. Mais pourquoi ne recommencer-t-il pas? Et Hitler sera furieux lorsqu'un jour de 1943, Vlassov déclarera que la Russie ne pourra être libérée que par les Russes eux-mêmes. Conséquence immédiate, le général n'a plus le droit de sortir de Berlin. Il retrouve son statut de prisonnier, là. Un prisonnier de luxe, quand même. Il n'est pas dans un camp, lui. Il est même confortablement installé avec son état-major dans la banlieue de Berlin. Mais il continue à piaffer. Il veut se battre. Oui. Mais Hitler ne veut pas en entendre parler. Il durcit même son attitude et renie toutes les promesses qui ont été faites à Vlassov. Et il ordonne que soient déplacés à l'ouest ou dans les Balkans des dizaines de milliers de supplétifs russes. Et pour y faire quoi? Certains viendront chez nous, où ils participeront à la construction du mur de l'Atlantique. En même temps, dans un discours extrêmement violent, le chef des SS, Himmler, s'en prend ouvertement à Vlassov qu'il traite de gros porc et ironise sur la présomption propre aux Slaves de vouloir se mesurer aux Allemands. Pourtant, parallèlement au sein du commandement allemand, les choses évoluent. Mmh. Il y a quand même gros porc, mmh. Il va fort. Hein. Alors, elles évoluent dans quel sens? Ils sont de plus en plus nombreux, les généraux qui pensent qu'il est stupide de ne pas utiliser la masse de ces combattants russes, alors même que la situation militaire se dégrade dangereusement. Ils sont d'autant plus irrités que partout où ils sont tout de même engagés, les Vlassov, comme on les appelle, se sont battus avec férocité, ça s'explique. Pourquoi? Ces pauvres types sont dans la nasse. Si Hitler perd, ils savent ce qui les attend. Par conséquent, leur seule chance de s'en sortir, c'est de combattre avec acharnement. Avec l'espoir de gagner. Mais un espoir qui s'amenuise de plus en plus, tant les forces hitlériennes reculent sur tous les fronts. Ça sent même tellement mauvais qu'un ancien officier blanc, membre d'une organisation russe anticommuniste, prend contact avec Vlassov. Il ne croit plus à la victoire de l'Allemagne et lui propose de le mettre en relation avec les services secrets britanniques. Mais Vlassov refuse. Bon, pourquoi? Il refuse de trahir les nazis? Oui, parce qu'il ne poursuit qu'un objectif, se battre chez lui, en Russie. À un moment où, il faut le souligner, les Allemands quittent peu à peu les territoires soviétiques qu'ils occupaient. Ouais, c'est donc un peu illusoire. Tout à fait. Mais encore une fois, Vlassov a-t-il maintenant un autre choix? Et puis il va enfin obtenir satisfaction. Les chefs nazis vont d'un seul coup faire volte-face. Et Vlassov est même reçu par Hitler. À cause du spectre de la défaite? Certainement. Soudain, on se rend compte que ces sous-hommes pourraient être bien utiles. Et au cours de cette rencontre, le Führer laisse entendre que Vlassov serait bientôt autorisé à créer son armée, une unité indépendante de la Wehrmacht. Cette entrevue avec Hitler a lieu quand? En septembre 1944. Donc après le débarquement allié en France. Oui, ouais. Je suis d'accord avec vous, il est bien tard. Et il faudra attendre encore 2 mois avant qu'un accord officiel soit signé entre Himmler et Vlassov. En novembre, le général crée à Prague un comité de libération des peuples de Russie. Il y croit? Il semble, oui. Ça me rappelle l'histoire de Doriot que vous avez racontée il y a peu de temps. Oui, hein, c'est vrai. Il existe des similitudes entre le destin de ces deux hommes, mais je poursuis. Au début de 1945, Vlassov, toujours installé à Prague, crée 2 divisions qu'il envoie combattre l'armée rouge en Bohême, afin de freiner son inexorable avance sur le front de l'Est. Mais le rouleau compresseur soviétique est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Et les Vlassov, comme les Allemands, reculent au prix de très lourdes pertes. Oui, c'est bientôt la fin. Oui. Vaincues, les 2 divisions Vlassov se replient à Prague, où elles doivent assurer la défense de la capitale tchèque. Et là, au début mai, on va assister à un retournement étonnant. Les Américains de Patton se trouvent à moins de 100 km, tandis qu'à l'Est, l'armée rouge progresse très rapidement. Et Hitler est déjà mort, là. Et la capitulation est proche. Mais il reste des SS à Prague, des fanatiques décidés à livrer un dernier baroud d'honneur. Alors, les résistants tchèques organisent l'insurrection. La ville se couvre de barricades, et contre toute attente, Vlassov vient au secours des résistants et ses hommes chassent les SS. Pour les Pragois, l'ex-général soviétique devient un héros. Mais enfin, comment expliquer cette volte-face de Vlassov? Le général sait que la défaite est proche. Alors, il a sans doute voulu donner un gage aux Alliés en volant au secours des résistants tchèques et en se retournant contre les nazis. Quoi ? Pour sauver sa peau ? Oh, c'est probable. Mais il y avait peut-être aussi une volonté de prendre sa revanche contre ces SS qui traitaient ses soldats de sous-hommes et s'étaient toujours opposés à ce qu'il crée sa propre armée. Enfin, il existait une troisième raison. Vlassov voulait offrir Prague aux Américains. Toujours avec l'espoir de s'en sortir. Je le crois. Mmh. Oui, mais attendez, un retournement aussi tardif pouvait-il faire illusion ? Oh, certainement pas. En outre, ce qu'ignorait Vlassov, c'était Yalta. Oui, la conférence entre Roosevelt, Churchill et Staline. Oui. Une conférence au cours de laquelle les Alliés s'étaient partagés l'Europe. Alors, la Tchécoslovaquie faisait partie du secteur attribué aux Soviétiques. Et les Américains n'avaient nullement l'intention d'entrer à Prague. Oui, bon. Vlassov était donc coincé. Oui, oui, parce que l'armée rouge ne tarderait pas à arriver. Alors, que pouvait-il faire ? Bah, essayer de conduire son armée derrière les lignes américaines. Pour échapper aux Soviétiques. Bien entendu. Il envoie d'abord des émissaires auprès des Américains. Puis il se rend lui-même dans le camp américain. Une reddition ? Oui. Il veut que lui et ses soldats soient reconnus comme des prisonniers de guerre et soient éventuellement traduits ensuite devant un tribunal international. Mais, encore une fois, Vlassov ignore ce qui a été convenu à Yalta. À quoi encore ? Bah, Staline a exigé de ses deux alliés que tout soldat russe ayant revêtu l'uniforme allemand ou ayant combattu aux côtés de la Wehrmacht lui serait remis. Mmh. Vlassov est donc fichu. Oui. Et les Américains vont se débrouiller pour que le général tombe presque naturellement dans les mains des Soviétiques. Alors officiellement, voilà comment ça se passe. Sous bonne escorte, Vlassov part en voiture pour le QG américain. Mais le convoi est intercepté par une petite patrouille de l'armée rouge. Et les Américains sont contraints de laisser les Soviétiques s'emparer de Vlassov. Si je comprends bien, cette relation des faits vous paraît bidon. Oui, évidemment. Pour une simple raison. L'infériorité numérique des Soviétiques. Si les militaires américains avaient voulu s'opposer à la capture de Vlassov, ils l'auraient pu aisément et sans même utiliser la force. Non, non, il est clair qu'il s'agissait là d'un scénario parfaitement mis au point. Même si plus tard, le commandant en chef des forces alliées à l'ouest, le général Eisenhower, prétendra que ce sont les Tchèques qui ont livré Vlassov aux Soviétiques. Mmh. Et la suite ? Oh, elle est prévisible. Pour Staline, il n'y a pas doute. Vlassov est un traître de la pire espèce, conduit au siège du NKVD. La Loubianka. Oui. Ouais. Il est torturé, lui et les officiers de son armée qui ont été capturés en même temps que lui. Et après un procès expéditif à huis clos, tous ces hommes sont pendus. Mais si je peux m'exprimer ainsi, Vlassov n'a pas fini de servir. En 1947, si je me souviens bien, paraîtra un livre de mémoire de l'ex-général soviétique. Le titre est absolument spectaculaire. « J'ai choisi la potence ». Mais le texte est un tissu de mensonges. De la propagande. Bien entendu. Ces prétendues mémoires ont été écrites par des spécialistes des services secrets soviétiques à seule fin de tromper l'opinion occidentale. Mais beaucoup à l'Ouest seront abusés et croiront vraiment à l'authenticité de ce texte. J'ajoute que Vlassov ne sera pas le seul à être livré par les armées alliées à Moscou. On estime que 80 000 Russes retenus dans des camps de prisonniers ont été envoyés, quelquefois manu militari, en URSS. Mm-hmm. Où ils ont été traités comme Vlassov ? Oh, la plupart ont fini au goulag. Et nous aussi, Français, nous nous sommes débarrassés de la même façon des prisonniers russes capturés chez nous. Alors que nous savions très bien quel serait leur sort. Et malgré les fautes qu'ils avaient commises, je ne peux que le regretter, au simple nom de la morale. Le procès de Vlassov et de ses amis s'est déroulé à huis clos, a dit M. X. Sans doute, Staline ne voulait-il pas que le général mette en cause sa politique militaire et ses erreurs ? Aussi, la presse soviétique n'a-t-elle rien publié sur ce procès ? On trouve simplement, dans la Pravda du 2 août 1946, ce communiqué du collège militaire du tribunal suprême de l'URSS qui a examiné la plainte dont était l'objet Vlassov et les siens. Accusé de haute trahison et en tant qu'agent du service de l'espionnage allemand de s'être livré contre l'Union soviétique à des activités d'espionnage, de diversion et à des actes de terrorisme, qui sont des crimes, tous les inculpés se sont reconnus coupables, conformément à l'alinéa 1 de l'oukase du Soviet suprême de l'Union des républiques socialistes soviétiques du 19 avril 1943, le collège militaire du tribunal suprême de l'URSS a condamné les accusés à la peine de mort par la pendaison. Le jugement a été exécuté. On ne peut pas faire plus bref. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Voilà, et bien la semaine prochaine et puis